C'était All I Need de Rémi Haas, d'ailleurs Rémi Haas qui est notre invité aujourd'hui par Anaïs. Et oui, parce qu'on a décidé de vous faire découvrir cet artiste liégeois. Il vous fait danser tout l'été habituellement, que ce soit dans le carré, dans les soirées étudiantes, les gardens et même dans des salles mythiques liégeoises. Et il mérite d'être connu peut-être un peu de notre côté aussi. Cet artiste, il bosse de plus en plus pour développer sa musique et sa dernière petite nouveauté, c'est la sortie de son EP, notamment sur Spotify. Il s'appelle Rémi Haas, on l'a dit et on l'a rencontré pour vous. Il commence par nous expliquer comment il a commencé à faire de la musique professionnellement. Professionnellement, c'est tout récent en fait. Moi de base, je fais de la musique depuis que j'ai 6 ans, donc j'ai eu plein de petits groupes où je faisais de la batterie, de la guitare, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai des amis qui ont commencé à faire de la musique électronique et je me suis dit, c'est pas mal ça. Et je me suis vraiment lancé dans la musique électro il y a, 6-7 ans, un truc comme ça. Et maintenant seulement, je commence à vraiment professionnaliser, entre guillemets, le truc en proposant mes chansons sur les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Et tout ça en passant par un espèce de distributeur de musique en ligne. Et c'est vraiment une étape que je trouvais importante pour vraiment professionnaliser le truc, quoi. Donc c'est vraiment sur ce premier projet ici dont on va parler que je professionnalise vraiment ma musique, quoi. Il s'appelle Guillaume. À première vue, ça n'a pas de rapport avec son nom de scène, Rémi Haas. Du coup, on lui a demandé la signification. Mon nom de scène, il signifie rien, en fait. à l'époque où je cherchais mon nom de scène, j'en avais parlé à quelques personnes. Et avant, d'ailleurs, j'avais utilisé mes initiales de mon prénom, mon nom de famille, etc. pour faire mon nom de scène. Et vu que je faisais pas du tout la musique électronique, j'avais gardé ce nom-là. Et puis je m'étais dit, en changeant vraiment de projet, j'ai envie de changer de nom. Et c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi à ça et que j'ai voulu mixer mon prénom et mon nom de famille. Ça donnait rien. J'ai essayé de faire ça avec le prénom et le nom de famille d'une autre personne, d'une amie, et ça a donné Rémi Haas, quoi. Et donc du coup, je trouvais ça plutôt stylé. J'ai mis ça sur les moteurs de recherche, etc. Et c'était vraiment pris par personne. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de, quand on tape mon nom un peu partout sur les plateformes, on peut tomber que sur mon profil, quoi. Et ça, je trouvais ça chouette, quoi. Donc c'est sorti de ça, quoi. Donc vraiment, ça veut absolument rien dire, quoi. Mais je trouvais ça pas mal. On le sait, pour composer, il faut de l'inspiration. Mais où puise-t-il cela ? C'est une excellente question. Je pense que la musique, c'est un vécu. Et les inspirations, elles sont clairement diverses, quoi. Je m'inspire de beaucoup d'artistes. Ici, sur le projet vraiment que je viens de sortir, j'ai travaillé ça avec un ami qui travaille sur la musique électronique, mais plutôt EDM, lui, qui s'appelle Drix. Et donc, du coup, on a mélangé vraiment. Il m'a donné plein de pistes et il a rendu tout ça quand même assez pro. Et d'ailleurs, je le remercie dans les coproductions. Je mets coproduction Drex. Et c'est grâce à lui que vraiment j'ai pu aller chercher d'autres inspirations. Et sinon, les inspirations vraiment basiques, c'est vraiment le vécu, quoi, le vécu de l'artiste. Et puis, moi, j'aime bien de me mettre derrière mon piano et pianoter un peu. Et une fois que je trouve une suite d'accords que j'aime vraiment bien, je vais la mettre sur le programme et commencer à travailler là-dessus. Et vu que je suis percussionniste de base, je m'emballe à fond sur les percussions, sur les samples et tout. Et ça part vraiment comme ça d'un peu de piano, et puis c'est parti, et on fait quelque chose, quoi. Il nous parle aussi de sa formation. Je me suis formé, j'ai commencé avec un ami qui fait de la musique électronique, qui s'appelle YoMind, et qui lui faisait déjà beaucoup ça avant, et c'est lui qui m'a vraiment montré le programme sur lequel je travaille, qui s'appelle FL Studio, et il m'a vraiment montré comment s'en servir, vraiment les bases. Et puis moi, j'ai gratté le programme, j'ai commencé à travailler, etc. Et puis Drex travaille également sur ce programme-là, et donc du coup, c'est facile, quoi. Je travaille quelque chose à la maison, on échange facilement les fichiers, puis on regarde, et c'est parti, quoi. Et donc, du coup, j'ai vraiment commencé avec des amis qui étaient déjà dedans, quoi. Le moment tant attendu, on va en savoir un petit peu plus sur son EP qui vient tout juste de sortir. Alors, l'EP que je viens de sortir, j'appelle ça un EP, mais il faut savoir qu'un EP, c'est à partir de 4 chansons. Ici, il y en a 3, mais j'ai pas voulu appeler ça single parce que c'est vraiment 3 chansons qui ont une progression. Et donc, il y a vraiment une histoire dans l'EP. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était un EP. Il y a vraiment une progression point de vue du rythme et de la mélodie. Donc, J'ai commencé avec la chanson qui s'appelle Like This, donc qui est vraiment une chanson tech house très rythmique, très basée sur la rythmique. Puis All I Need, qui est vraiment quelque chose d'un peu plus dans un mood d'été. Et je finis avec Take Time, donc vraiment le nom de l'EP, qui là est vraiment quelque chose de plus EDM, avec plus de mélodies, piano derrière. Et donc, l'EP fait vraiment forme de progression, vraiment. Et donc, du coup, c'est né de l'envie aussi de faire quelque chose d'assez éclectique, dans le sens où j'avais envie d'avoir une track Tech House, un truc vraiment un peu dans le mood de l'été, vu que ben, voilà, là, on arrive sur l'été. Et quelque chose de vraiment mélodieux avec une voix féminine, quoi. C'était vraiment l'envie autour de ça de travailler là-dessus, quoi. Et je vous le disais, il est partout du côté de Liège. Ben, point de vue des événements, j'ai déjà pu me produire dans des endroits plutôt sympas à Liège, comme le Reflector, par exemple, ou le Cultura. Donc, ils sont vraiment deux salles de concert incontournables sur Liège. J'ai pu me produire également dans des cafés, je pense au Café des Miracles, d'autres cafés dans le Carré. Donc, voilà. De par ça, bah, tu arrives à avoir une certaine expérience de scène. Et j'ai pu aussi jouer dans certains événements comme la Garden Elmo. C'était prévu pour le bal Elmo aussi ici au Palais des Congrès, mais ça a été annulé à cause du Covid-19. Et donc, du coup, bah, pour l'instant, il n'y a rien qui est vraiment prévu parce que je pense que les organisateurs ne savent pas non plus vraiment comment adapter leurs événements, etc. et s'ils vont les faire. Mais ça, d'office, de toute façon, ce que j'ai envie de dire, c'est d'aller sur ma page Facebook et d'office, s'il y a un événement qui arrive, je le mettrai dessus pour dire que j'y serai, évidemment. Quoi. Une dernière petite question, la meilleure pour la fin et peut-être celle qui nous anime le plus, c'est à propos de ce qu'il aime dans ce métier, tout simplement. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment de pouvoir voir leur sortie des personnes par rapport à mes musiques. Quoi. Quand une personne va venir me dire, un ami ou autre, ah ben j'écoutais, franchement c'était vraiment super bien, et ben on se sent reconnaissant, quoi. Et puis c'est super chouette de pouvoir partager quelque chose via la musique. Et en live c'est pareil, quoi. Quand tu vois quelqu'un qui te fait un pouce en l'air en mode ouais, ça déchire ce que t'as envoyé, et que tu vois les personnes danser, c'est ça qui est vraiment top, quoi. Dans ça, quoi. Vous pouvez retrouver Rémyas sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram c'est Rémyas, donc R-E-M-Y-A-S-E musique avec un C, sur Facebook c'est pareil, et puis aussi sur Spotify. Et nous, ben, on va vous laisser avec Take Time, c'est un des sons de son EP.